Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président d'honneur de la Ligue de défense des droits de l'homme, que vous avez défendu en tant qu'avocat des étudiants de mai 68, des mineurs des Houillères, Florence Ray, Richard Roman, Dominique de Villepin dans l'affaire oui. Clairstream et actuellement Dominique Strauss-Kahn pour l'affaire Exactement. Du Carlton. Alors, suivre votre parcours, c'est un peu se plonger dans l'histoire sociale, politique, judiciaire et criminelle dans notre pays. Et en 1972, avec Albert Nau, vous étiez l'un des avocats des six mutins de Nancy dont nous avons raconté l'histoire. Comment avez-vous été amené à défendre les mutins de Nancy ? Ah ben écoutez, j'étais très engagé dans la défense d'un certain nombre de jours. Il se trouve qu'à l'époque, ces révoltes dans les prisons ont été un prolongement du mouvement gauchiste, disons, bon, dont j'étais l'avocat dans un certain nombre d'affaires. Juste au même moment, il y avait l'affaire Auvernay, un certain nombre de choses de ce type. Et j'étais très lié au groupe d'information des prisons. Michel Foucault, Claude Mauriac... Dont on va parler dans un instant. Claude absolument. Mauriac, Deleuze... Des philosophes, des intellectuels... Daniel Defer, enfin, c'était un groupe... Bon, et alors, il y a eu ces révoltes dans les prisons. Ça a commencé à poser un problème. Il y a eu des révoltes dans un certain nombre de prisons. Avant celle de Nancy. Avant celle de Nancy, je crois que tout l'est avant Nancy, par exemple. Donc il y a eu des interventions politiques. D'abord, je me rappelle avoir eu des entretiens avec M. Pleven, le garde des Sceaux, tout le monde bien. Et puis, il y a eu la révolte de Nancy. Et là, ils ont mis en examen un certain nombre de gens, c'est toujours la même chose, qu'on qualifiait de meneurs, qui n'étaient que ceux qu'on avait pris. Enfin. Et j'ai donc été les voir, j'ai passé pas mal de temps avec eux, et nous avons préparé le procès, nous avons fait ce procès. Et alors, à ce procès, j'ai fait venir mon vieux patron, Albert Nau, oui. qui est un très grand avocat, le grand adversaire de la peine de mort, enfin un homme tout à fait remarquable. Et donc je l'ai fait venir, c'était un avocat assez âgé, c'est moins âgé que je ne le suis maintenant. Hein. Mais pour moi, il était quand même... Et j'étais très content parce que c'est un homme qui avait une très grande autorité, qui impressionnait les magistrats. Et nous avons donc fait ce procès de Nancy, qui a eu un écho médiatique assez fort. Et la raison pour laquelle nous y revenons, d'ailleurs, ça fait partie de notre mémoire vive. Alors justement, en février 1971, après le mouvement de grève de la faim de détenus, Michel Foucault, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Marie Domenach fondent, vous l'avez dit, le GIP, groupe d'information des prisons, qui va réaliser des enquêtes clandestines à l'intérieur de l'univers carcéral. Alors on va écouter ensemble l'extrait d'une interview donnée par Michel Foucault à Radio-Canada en avril 1971, un peu moins d'un an avant la révolte à Toul et à Nancy, et il parle des premiers résultats de ces fameuses enquêtes du GIP sur les conditions de détention, puisque tel est le problème. Hein. Alors, vous allez voir, le son n'est pas très bon, Mais c'est Michel Foucault, quand même. Donc oui, c'est un document, on va l'écouter avec plaisir. Je vais être assez ému de l'entendre. Ces conditions, elles sont extraordinairement dures et sévères. Et si vous voulez, je crois qu'elles peuvent toutes se résumer en un mot. La détention, c'est en principe la privation de la liberté. De la liberté de sortir, oui. De la liberté d'agir quotidiennement à l'intérieur de sa famille et de son cadre de travail. Un point, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que la prison devrait entraîner de plus la privation d'un certain nombre d'autres libertés fondamentales? Or, c'est précisément ce qui se passe en France. Sous prétexte que l'on enferme les gens, on les prive d'un certain nombre d'autres libertés ou d'un certain nombre d'autres droits fondamentaux, qui sont par exemple le droit à l'information, ou qui sont le droit au travail, ou en tout cas le droit à la rémunération légitime du travail, le droit aussi à la vie sexuelle, etc. Je vais vous prendre comme ça un certain nombre d'exemples assez curieux. En France, un détenu n'a pas le droit de recevoir la moindre information politique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lire les journaux? Eh bien, il peut bien lire les journaux. On lui donne Paris Match, ou on lui donne Jour de France. Vous connaissez ces publications? Elles ne sont tout de même pas très dangereuses. Il y a des photos. Il y a des photos, et quand il y a des nouvelles politiques, l'administration de la prison prend des ciseaux et découpe la page, ou la moitié de page, ou le quart de page, dans lequel il y a... Et la radio politique. Et la télévision et dans la prison, les deux ou trois prisons en France, où il y a la radio, il n'y a nulle part la télévision, on coupe la radio au moment où l'information est donnée. De telle sorte qu'il y a eu des détenus qui, en 1968, ne se sont aperçus de rien. Bah, quelle réaction, Henri Leclerc, ce que vous venez d'entendre? D'abord, je suis assez ému parce que je reconnais nos propos de l'époque, mais dont Michel Foucault est évidemment un porte-parole assez extraordinaire. Et c'est le commencement de son engagement. Je dirais que d'une certaine façon, c'est le commencement de ce qui est un de ses plus grands livres, Surveiller et punir, qui a paru quelques années plus tard, et qui est une réflexion considérable sur la prison. Et donc, je reconnais ce que nous constations, nous les avocats, les jeunes avocats. J'avais pas 40 ans à l'époque. Et donc, c'était les jeunes avocats, et on constatait ça, on protestait. On avait mis en prison, c'était les suites du mouvement de mai 68. On disait, vous avez voulu mettre la révolte en prison, et vous avez mis la révolte dans les prisons. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certainement eu, dans la protestation des détenus engagés politiquement, comme chaque fois d'ailleurs, comme après la résistance, comme après etc., les détenus qui ne sont pas du gibier de prison constatent cette situation affreuse, et donc ça incite, et puis donc les conditions de vie étaient absolument intolérables dans les prisons, et ça a provoqué ces révoltes que le GIP a pris en main avec le paroxysme qui est ce procès de la prison de Nancy. Est-ce que c'était constructeur pour vous dans votre engagement dans la défense des droits de l'homme que de voir les conditions de vie dans les prisons? Je crois en partie. Je pense que dans mon engagement pour les droits de l'homme, j'avais un engagement politique, j'étais bon. Mais dans la défense, bien sûr, le fonctionnement de la justice, je me suis engagé beaucoup à ce moment-là. Mais les prisons, c'était vraiment la découverte d'un droit de l'homme fondamental qui était violé, où les gens étaient traités, c'est exactement ce que dit Foucault, dans des conditions absolument abominables. Zone de non-droit même, parce que les gardiens faisaient ce qu'ils voulaient. Les cages à poules à Nîmes, encore, il faut voir ce que c'était, il faut savoir, c'est ce qu'il dit sur les journaux qu'on découpe, etc. C'était l'absence totale de droit. Alors, je ne dis pas que ça a énormément progressé, nous continuons encore à avoir des difficultés, mais enfin, c'était vraiment une situation révoltante. Et alors, il y a quand même eu un résultat, nous avons eu les circulaires de M. Pleven en 72, en 74, qui ont quand même desserré un certain nombre de choses, qui ont facilité les visites, etc. Et c'est une dizaine d'années après que Robert Badinter étant devenu garde des Sceaux, autorisait par exemple la télévision en prison, dont on disait, mais c'est les prisons 3 étoiles, sans comprendre que c'était un élément essentiel pour assurer la tranquillité, d'ailleurs. Voilà. Et est-ce que peut-être la méconnaissance de cette violation des droits humains en prison, on rappelle que la prison doit être la sanction suivante, privation de liberté, point final, rien de plus. Est-ce qu'à partir de cette prise de conscience, qui a été modelée aussi par cette affaire des mutins, les juges ont peut-être mis moins facilement en prison, parce qu'avant... C'est-à-dire que nous avons au même moment une réflexion dans la magistrature. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de magistrats qui ont un regard sur leur fonction qui a un peu changé par rapport au regard précédent. Premier point. Certains participent d'ailleurs aux réunions du GIP. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la prison, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Que la dureté de la répression, la, et quelque chose, et surtout les conditions d'hygiène, les conditions de vie, la privation totale de ces... Et quelque chose qui, aussitôt après le mouvement de mai 68, après ce moment d'effervescence sur lequel on peut juger, porter le jugement que l'on veut aujourd'hui, mais après ce mouvement d'effervescence, savoir que cela existait encore, c'était insupportable. Maître Leclerc, peut-être que vous aimez la musique, j'en doute pas d'ailleurs, et peut-être écoutiez-vous en 1972 ce qu'on écoutait cette année-là, Donna Hightower, This World Today is a Mess. You do what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. What you see and what you hear, when it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no, everybody's talking everywhere you go. You're trying to give another take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what I take is what I know. Get a favor coin from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. Or now or what you see and what you hear, when it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no, and then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something, you try to give another man a helping hand, you know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week of stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it, it's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. Donna Hightower sur France Inter. Affaire sensible aujourd'hui donc consacrée à la mutinerie des prisonniers de Nancy. Notre invité c'est Maître Henri Leclerc. Vous étiez l'un des avocats des mutins. Alors comment s'est passé le procès de ces mutins? Quelle était l'ambiance? Quel était le postulat de la justice? Alors, les prisonniers, ils ont pas le droit à aller en mater. Le postulat de la justice, nous sommes arrivés là. Et moi j'étais quand même couvert par l'autorité d'Alberneau, qu'on ne voulait pas, qu'on pouvait pas traiter comme n'importe qui, et avait été un grand résistant et qui d'ailleurs quand il a plaidé a laissé une marque très forte parce qu'il a plaidé les conditions de son arrestation, sa découverte de la prison, lui qui était avocat, sa découverte de la prison en 1944 comme client, comme ouais, prisonnier, et il a raconté ça à tout le monde, pleurait les. Les gars dans le box étaient absolument sidérés de voir ce vieux monsieur très bon. Et alors, le procès lui-même, on avait amené... Il y avait le GIP voulait témoigner, il y avait Deleuze qui voulait témoigner, qu'on a empêché de témoigner d'ailleurs, le président n'a pas voulu. Et alors, la bataille était la suivante. Nous, notre procès, c'était quelles sont les conditions de vie en prison? Quelle est la cause de cette révolte? L'accusation disait, ça ce sont les meneurs qui entraînaient les autres, ce qui était absurde, c'est pas vrai. C'était des gens qu'on avait pris. Et donc, notre procès a été de faire découvrir vraiment les conditions de vie. Quand le surveillant-chef est venu, ou le directeur, on lui a posé des questions sur les conditions de vie, et les gens ont trouvé des choses extraordinaires. Je me souviens d'une question, j'ai demandé un jour au directeur, mais qu'est-ce que vous leur donnez pour se laver? Ah ben rien. Mais vous leur donnez du savon? Ah ben non. Donc il n'y avait pas de Il n'y avait pas de savon. Il n'y avait pas de savon dans les prisons, par exemple. Il n'y a pas de serviette. Bon, il y avait. Et on a découvert des conditions scandaleuses. Et ces types qui étaient dans le box, c'était des voleurs, hein, C'était même pas... C'était pas des grands criminels, bon, quoi. Non, c'était des voleurs, c'était la délinquance classique, malheureusement, c'est la délinquance de pauvreté, et qui s'était révolté parce que c'était insupportable, il s'était révolté avec tout le monde, hein. Il s'était monté sur les toits... Ce qui m'étonne quand même, pardon de vous couper, mais ce qui m'étonne dans ce que vous racontez, c'est la liberté finalement d'expression des professionnels de la prison. On aurait pu leur dire, vous dites rien. Ah ben non, mais ils n'étaient pas là pour ça. C'est-à-dire ? Ils étaient là comme témoins de la révolte, et nous les avons un petit peu entraînés. D'accord. Non. Nous les avons entraînés vers des endroits où sans doute ils ne voulaient pas aller, et où le président ne voulait pas trop qu'ils aillent, mais enfin bon, et on a réussi. Il y a des procès où on a beaucoup mieux réussi, mais on a réussi à changer le fondement du procès et à faire en quelque sorte que ce procès des mutins soit le procès de la prison. D'ailleurs, on a eu un assez bon résultat. Alors, on va maintenant, parce que la logique de cette réflexion, c'est de voir comment on vit en prison aujourd'hui, quels ont été les progrès. Il y a eu des progrès, pas suffisants. La preuve, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui à cause de ses conditions de détention. La vie derrière les murs est toujours source d'indignation. Et alors, le 7 octobre dernier, vous voyez, c'est tout récent, hein, sur France Inter, ce sont des familles de détenus de la prison de Perpignan qui ont parlé de l'insalubrité des parloir, parce que c'est aussi un traumatisme pour les familles. La prison, c'est un traumatisme pour tout le monde, hein, pour ceux qui y sont et pour les familles. On va écouter ensemble cet extrait du journal de 8h du 7 octobre 2014 sur France Inter et on en reparle après. Les parloirs de la prison de Perpignan sont sales et dangereux. Voilà ce que dénonce l'UFAP, le syndicat des surveillants de prison. Il y a 10 jours, les fortes pluies ont entraîné des infiltrations et des inondations dans tous les parloirs. Mais au-delà de cet incident ponctuel, les surveillants dénoncent aussi l'insalubrité des lieux où se trouvent les détenus et leurs familles. Familles qui disent leur ras-le-bol ce matin. Ils ont écouté. Déjà quand il pleuvait, ça coulait dans les parloirs. Moi j'arrive chez moi, je me change et je prends une douche et je mets tout à laver. Les toilettes, on ne met même pas un pied dedans parce que c'est horrible. Il y a des serviettes hygiéniques jetées par terre. Il n'y a pas de papier, il faut en demander. Il n'y a jamais de savon. Pour un petit qui a envie de faire pipi, même dehors, ce serait plus propre quand même. Mais j'ai mes lingettes et mes savonnettes, du gel douche, du lait de corps. Voilà, des fois, c'est les chaussures elles collent par terre. Il faut dire qu'il y a quand même des personnes qui font des choses qu'ils ne font pas faire. Bien entendu, quand ils ne voient pas leur mari ou leur copain depuis des mois et des mois, bien entendu. Il y en a qui ont des rapports, mais après, quand on rentre, nous, après le parloir, il y a des choses qu'il ne faudrait pas qu'ils se trouvent dans le parloir. Henri Leclerc, qu'en pensez-vous ? Bah, je pense que, malheureusement, ce reportage raconte des choses. Alors, cette question des prisons a été posée à ce moment-là. Alors, il y a eu des moments différents. Il y a eu la période très dure où les grands délinquants étaient enfermés dans les QHS. Oui, quartier de haute sécurité. Quartier de haute sécurité, ces prisons terribles, avec là des prises de position extrêmement fortes, extrêmement, là aussi, une bataille terrible, qui ont été supprimées par Robert Badinter quand il est arrivé à la chancellerie en 1981. Mais il est resté des quartiers d'isolement, et il est resté des conditions de prison qui n'ont cessé. Et en fait, il y a eu des améliorations. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des améliorations sur les conditions de vie. Mais ces améliorations ont été compensées par l'accroissement du nombre des détenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème reste toujours présent de la surpopulation considérable, surtout dans les maisons d'arrêt. Et il y a eu des prises de conscience. Il y a eu, aux environs des années 2098, il y a eu le livre de Madame Vasseur. Oui, une infirmière. Un médecin, chef de la santé, qui a fait un livre bouleversant, qui a secoué l'opinion publique. Ce qui montre que la population, quand on l'alerte véritablement, n'est pas hostile à une amélioration. Après, vous avez eu 2 rapports remarquables, un de l'Assemblée nationale et un du Sénat. Celui du Sénat s'appelait « Les prisons, une humiliation pour la République ». Donc, vous l'en direz. Les améliorations, il y en a eu petit à petit. Il y a eu la loi pénitentiaire de Mme Rachida Dati en 2009 qui a amené un certain nombre d'améliorations. Il y a le fait qu'aujourd'hui, il y a des juges de l'application des peines qui organisent la sortie éventuelle des gens. Il y a le droit pénitentiaire qui a pris sa place, c'est-à-dire que les tribunaux administratifs, qui avant ne voulaient pas s'occuper de ce qui se passait en prison, qui considéraient que ça échappait à la justice, etc., aujourd'hui interviennent. Il y a eu les condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme de la France sur des traitements, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Il y a une certaine amélioration. Mais la surpopulation pénitentiaire et le manque de moyens fait qu'aujourd'hui, la situation dans les prisons est abominable. Quand on met 4 personnes dans une cellule qui est conçue pour 1, c'est pas supportable, cette promiscuité. Ça, ne serait-ce que cela. Or, en 2000, s'était déjà dénoncé et le nombre de prisonniers a considérablement augmenté depuis 2000. Dans une démocratie, on fait bouger les choses à travers l'opinion. Hein. C'est quand même le levier principal, la définition de la démocratie. Je me souviens d'une initiative de Robert Badinter à Lyon, au milieu des années 80. Il avait fait visiter la prison sordide de Lyon-Saint-Paul, deux prisons reliées par un tunnel souterrain, une horreur. Et les personnes qui disaient, les premières personnes qui disaient « Mais oui, ils sont en prison, c'est normal, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire », avaient été émues, une vraie prise de conscience. Est-ce qu'il faudrait faire visiter les prisons, non pas à tout le monde, mais à des groupes de citoyens ? Ah, écoutez, je pense qu'il faut que les citoyens prennent conscience. Et puis, si vous voulez, c'est toujours la même chose, n'est-ce pas ? Quand vous avez un fait divers qui secoue l'opinion, qu'une personne a été condamnée, récidiviste, qu'on a l'impression qu'elle est sortie trop tôt de prison, quand Bon, vous avez un mouvement de l'opinion qui est un mouvement face à la délinquance, etc. Bon, et puis quand les faits sont réellement dévoilés, je passe encore une fois au livre de Madame Vasseur, l'opinion, elle comprend très bien. En 72-74, l'opinion n'était pas hostile aux mutins. Et donc, vous avez l'opinion... Bon, il y a des présidents de cour d'assises qui emmènent les jurés, par exemple. Moi, je pense que c'est très important que les jurés sachent quand ils envoient des gens en prison, ils y envoient. Oui, ils envoient. Et il faut savoir ce que c'est. La prison est extrêmement dure, mais le fait que ça devrait être que la privation de la liberté. Mais vous avez une loi qui a été votée en 1871, pas en 1971, 100 ans avant les... Ouais. Qui est la loi sur l'emprisonnement individuel, la loi d'Assonville, ce qui est l'emprisonnement individuel des détenus en détention préventive. Cette loi n'est toujours pas appliquée. Et de temps en temps, on dit « Ah, on va l'appliquer !» Et Mme Dati fait des promesses à ce sujet-là, et Mme Taubira le promet aujourd'hui, mais les moyens ne suivent pas, parce que quand on a un peu d'argent, on pense à beaucoup d'autres choses avant de penser aux prisonniers. Qui sont des délinquants. Qui sont considérés comme la lie de la société, encore une fois, la prison... Elle devrait avoir pour fonction principale, c'est ce que dit d'ailleurs la loi de 2009, elle a pour fonction la sanction, certes, bien sûr, mais aussi la réinsertion. Et si vous mettez les gens dans des cloaques, eh bien vous n'avez pas de réinsertion et vous avez des choses qui sont épouvantables. Aujourd'hui, nous en parlons beaucoup. L'école du crime, ça c'est... Moi, j'ai vu ça toute ma vie. Hein. Moi, j'ai vu les grands délinquants, ils m'ont toujours expliqué qu'ils étaient devenus délinquants en prison. Oui. C'est-à-dire le premier vol d'une pomme qui les a amenés en prison, les a amenés après par les fréquentations, parce que le type, il est coupé de son milieu familial, il est coupé de ses racines sociales, et il n'a que les gens qui sont en prison. Et aujourd'hui, nous avons les phénomènes de radicalisation qui sont bien connus. Moi, ça fait 15 politique, ans... Vous dire politique, hein, mais politique, enfin. La radicalisation, où on sait que les assassins récents, là, ils se sont radicalisés en prison, oui, beaucoup. Absolument. Et moi, ça fait 15 ans que je me bats pour qu'on augmente le nombre des imams en prison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait 10 fois moins d'imams que d'aumôniers catholiques. Et les aumôniers catholiques en sont d'ailleurs parfaitement conscients. Enfin, tout le monde en est conscient. Très bien. Merci, Maître Leclerc. On aurait pu discuter pendant des heures. L'Observatoire des prisons, notamment. Si vous me prenez sur ces choses-là, moi, on est pour une heure. Hein. C'était bien notre intention de faire parler de ces choses-là. Merci. Pour conclure, je tiens à remercier Nicolas Drolk de nous avoir permis d'utiliser des extraits de son film intitulé « Sur les toits », film qui revient justement sur la mutinerie de Nancy et dans lequel, un sujet pour lequel vous venez d'intervenir, Henri Leclerc. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la mutinerie dans les prisons de Toul et Nancy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le voyage surprise de François Mitterrand à Sarajevo en 1992.